Chapitre 196. Le mérite particulier des deux unités facultatives sunna avant la prière de l'aube, subh. 1100. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait toujours quatre unités avant la prière de midi, dhuhr, et deux avant la prière de l'aube, subh. Al-Bukhari. 1101. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam n'a accompli aucune prière facultative avec plus d'assiduité que les deux unités situées avant la prière obligatoire de l'aube, subh, al-Bukhari et Muslim. 1102. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les deux raka'at facultatives avant la prière du subh ont plus de valeur que ce monde et ce qu'il renferme. » Muslim. Selon une autre version, les deux raka'at facultatives avant la prière du subh ont plus de valeur à mes yeux que tout ce bas monde. 1103. Abu Abdillah Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, le muezzin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rapporte qu'il se rendit auprès du messager d'Allah avec l'intention de l'informer de l'imminence de la salat de l'aube, subh. Mais Aïcha le retarda par certaines questions, si bien que le jour était sur le point de se lever. Il se leva alors et informa le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à plusieurs reprises, mais sans que ce dernier sorte immédiatement. Il sortit finalement et dirigea la prière en commun. Bilal lui expliqua alors que Aïcha l'avait retenu par certaines questions et que lui-même avait tardé à sortir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit « J'étais en train d'accomplir les deux raka'at précédant la prière de l'aube. » Bilal, radiyallahu anhu, dit « Ô messager d'Allah, tu as dirigé la salat peu de temps avant le lever du soleil. » Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Même si je m'étais encore plus attardé, j'aurais malgré tout accompli comme il se doit et de la meilleure façon ces deux raka'at. » Abu Daoud, avec une bonne chaîne de narrateurs.